Le chef de la délégation de la République populaire démocratique de Corée, Kim Yong-nam, président du présidium de l'Assemblée populaire suprême qui a participé au 17e sommet des pays non alignés, a rencontré les présidents de divers pays. Il s'est entretenu le 18 courant avec les présidents de la République bolivarienne de Venezuela, du Conseil d'État de la République de Cuba et de la République islamique de l'Iran, et leur a remis les salutations du maréchal Kim Jong-un, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Ils en ont exprimé leur profonde reconnaissance et l'ont prié de transmettre leurs salutations sincères. Auparavant, Kim Jong-nam a rencontré les présidents de la République de l'Équateur, de l'État plurinational de Bolivie, de la République du Zimbabwe et de l'État de Palestine. Par ailleurs, il a rencontré le premier ministre ougandais, le vice-président salvadorien, le vice-président nicaraguayen, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien.